bête féroce. Ouais. Bête féroce. Ouais. SKA. Bête humaine, gars. Ouais. Dans la noirceur de la vie, éclairée par la lune, j'explore l'antre de la haine, un coussin de l'amertume. Mes crocs sont acérés, prêts à la serrer. Si je te mords pas dans un profond marécage, je te laisserai macérer. Tu ne pourras voir que mes pupilles. Danse et lumineuse, guettant sa proie par chemin et route sinueuse. J'ai la stratégie du mal quand il s'agit d'attaquer. Contre-attaquer sous le poids de ma pression, ils finissent tous par craquer avant de tomber au sol comme des feuilles mortes. Bête féroce au Mikey, comment veux-tu que je m'en sorte sur mon territoire? Les crétins marchent avec leurs savates, aucun couleur, je les guette de loin. Des cul-jat, le mystère rôde et résonne dans toutes les plaines. Mais qui est cette mystérieuse créature se nourrissant de haine? Un produit de l'imaginaire, sortant des pires songes. Dans mon corps, il n'y a pas de sang, il n'y a que le mal qui ronge. Rap, claque et freestyle, encore. Ma schizophrénie me donne parfois le diable au corps. T'auras beau, toi et tes potes mener des battus à tambour battant. C'est dans les catacombes urbaines que je t'attends. Et comme une goutte d'encre, j'apprécie la noirceur. T'as tout compris, faut que tu te méfies. J'annonce la couleur, il me suffit d'une mesure pour 36 points de suture. T'as pigé le délire, une balade en guise de signature. Yo, yo, yo, esprit de l'ombre, Gab Singa. Deuxième de zoo, DTHCKS. Why?